Propos suite au décès du psychiatre québécois Pierre Mailloux. Donc, enregistrement fait au mois de janvier 2024. Tout d'abord, je dois vous avertir que si dans les prochaines minutes, vous entendez en arrière-plan des pleurs ou du babillage de ma fille, c'est normal. Elle est présentement dans la même pièce que moi. Donc, comme je n'ai pas un studio insonorisé, je vais faire pareil l'enregistrement. En fait, pour les gens qui ne le connaissent pas, le docteur Mailloux a été une figure médiatique importante au Québec au cours des dernières décennies. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens que vous m'écoutez et que vous êtes en Europe, probablement que vous ne le connaissez pas. Mais le doc Mailloux avait intervenu régulièrement dans les médias. Il a été interviewé d'ailleurs par plusieurs personnes. Donc, ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, le doc Mailloux. Donc, lui, c'est un médecin qui s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, pendant de nombreuses années, il a pratiqué la psychiatrie avec des gens avec différentes problématiques, schizophrénie, troubles bipolaires, et ainsi de suite. Simultanément à ça, ça a été une personnalité publique dans le sens qu'il a fait de l'animation radio pendant de nombreuses décennies, dont notamment de la ligne ouverte où il prenait les appels téléphoniques des gens du public. Et puis récemment, étant donné qu'il y avait beaucoup de censure dans les médias ici au Québec, eh bien, il faisait une activité d'animation web en compagnie de José Arsenault là, sur Patreon, qui était une plateforme où il diffusait des enregistrements, bien qu'on pouvait retrouver là, de ces enregistrements là, sur également YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez avoir accès là, pour les gens qui ne le connaissent pas et qui aimeraient le découvrir, mais vaut tard que j'avais plusieurs centaines d'enregistrements du Doc Mailloux qui ont été réalisés sur de nombreuses décennies. Pour ma part, le Doc Mailloux, je l'ai découvert au début des années 90, alors qu'il était sur les ondes de CHRC, donc une station de radio que j'écoutais alors que je vivais à Québec. Quand il était à CHRC, il faisait beaucoup de... C'était de la ligne ouverte essentiellement dans son émission radiophonique. Et le Doc Mailloux, c'est quelqu'un qui est direct. Donc, surtout dans les années 90, après ça, il a été averti. Après ça, il y a eu des poursuites aussi qui ont eu cours par rapport à lui. Mais j'ai aimé en particulier les émissions du début des années 1990 avec son franc-parler. C'est sûr qu'il a tenu des propos à l'époque où aujourd'hui les gens à la radio publique ne seraient pas les bienvenus pour te dire. Ça, c'est clair, là. Et je comprends aussi que le Doc Mailloux, au fil du temps, ben, s'est dirigé vers le web où il y a un peu plus de liberté là, que sur les ondes publiques là, de radio. Le Doc Mailloux, ce qui est intéressant, c'est que de par sa formation en psychiatrie, d'ailleurs, il faisait aussi de la psychothérapie, il faisait des consultations là, à 300$. Donc, au fil du temps, il avait développé une expertise, aussi une clientèle. Et il a utilisé l'approche psychanalytique. Et la particularité de ce personnage controversé, parce qu'il soustait souvent la polémique, c'est qu'il utilisait des notions de psychanalyse avec des dans le cadre d'interventions qui duraient à peine quelques minutes avec des auditrices et auditeurs. Donc, quelqu'un appelle dans le cadre d'une ligne ouverte et après trois ou quatre minutes de discussion, il va évaluer la personne. Il était très rapide, là. C'est sûr que ses jugements peuvent porter à discussion, mais habituellement, quelqu'un qui utilise l'approche de la psychanalyse pour évaluer une personne, c'est une évaluation qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est une approche qu'on laisse beaucoup la personne parler. C'est une approche indirecte. Puis d'observer par rapport à la personne, qu'est-ce qui se passe, donc qu'est-ce qui émerge par rapport à elle, ainsi de suite. Le Dr Mayhew, il laisse un héritage quand même colossal à la société québécoise, dans le sens que ça a été une des figures qui a été pionnière dans le domaine de la vulgarisation de notions de psychologie populaire dans les médias. Il faisait, en donnant des explications qui étaient claires, c'est quelqu'un qui va directement droit au but. Et il m'a permis d'apprendre, de comprendre certaines notions de psychologie. Donc, sur le plan psychologique, le Dr Mayhew, de par ses propos auxquels j'ai été exposé au fil du temps, m'a permis d'adopter des notions de psychologie. Aussi, la capacité de me poser les bonnes questions. Souvent, quand il faisait référence à des cas de gens, en fait, de la DPJ qui évaluait un enfant, donc DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse ici au Québec, eh bien, il soulevait la question suivante. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant que l'enfant, le père, par exemple, ou la mère ait accès à une garde partagée de l'enfant? Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt, par exemple, d'un enfant qui continue de voir son père ou continue de voir sa mère? Donc, soulever la question de l'intérêt de l'enfant, de la primauté de l'enfant, pour apporter un jugement par rapport à une situation. Donc, c'est un principe important auquel il m'a familiarisé. D'autres notions aussi. Le Dr Mayhew, il a été impliqué au fil du temps en relation avec de nombreux livres. Donc, il y avait des extraits de ses enregistrements qui étaient pris dans le cadre de certains livres qu'il a fait, dont un par rapport à l'enfant que j'avais lu. Il en a écrit plusieurs. Le Dr Mayhew avait des idées avant-gardistes aussi. Le Dr Mayhew, il a suscité le débat sur plusieurs sujets. Le Dr Mayhew, c'est quelqu'un qui aimait argumenter. Il y a des gens qui appelaient, ils prenaient le temps des écouter, mais habituellement, les gens ne faisaient pas trop changer sur l'opinion qu'il y avait sur certains sujets. Là. Le Dr Mayhew, le rôle que je vois par rapport à la société québécoise, ça aura été d'amener ici des notions de psychologie qui ont rendu accessible à la masse. Un rôle qui est différent, entre autres, de Bernard de Montréal, auquel je me suis intéressé, que dans le cadre de la période de ses activités qui ont eu cours dans les années 1980, 90, 2000, il a véhiculé des notions de psychologie très poussées, c'est-à-dire des notions de psychologie évolutionnaire, dans une optique d'une compréhension multidimensionnelle de l'être humain, alors que le Dr Mayhew, c'était pas ça son travail de diffusion qu'il a fait. C'était plutôt avant, c'est sûr, d'en venir à des notions de psychologie complexe, multidimensionnelle, où il est question du rapport occulte de l'être humain par rapport à l'invisible. Lui, c'était tout simplement des notions de psychologie de base qui étaient véhiculées. C'est sûr qu'au Québec, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait dans le domaine de la radio dans les années 90 en matière de véhiculer des notions de psychologie d'une manière vulgarisée, d'une manière que ça soit simple, que ça soit clair, que ça soit accessible pour monsieur et madame tout le monde. Là, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, bien, on a plus accès à de l'information sur le web. Le Dr Mayhew, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec tous ses propos. Le Dr Mayhew a eu sa fonction pendant une période de temps parce qu'il a amené des notions de la psychologie dans la masse, comme je le disais. C'est sans doute son plus grand héritage en relation avec la société québécoise. Mais sinon, si je fais l'étude du Dr Mayhew sur plusieurs plans, ben, c'est sûr que l'un des volets par rapport au Dr Mayhew, c'est le fait que ça a été quelqu'un d'extrêmement travaillant, dans le sens qu'il travaillait comme médecin auprès d'une clientèle psychiatrique. C'est très exigeant. Il a dû faire face à de nombreuses oppositions. Et en même temps, ben, il avait de l'opposition aussi par rapport à certaines auditrices et auditeurs qu'il téléphonait. Puis en même temps, par rapport au Collège des médecins, qui, à un moment donné, il a connu des radiations temporaires de l'ordre du Collège des médecins, étant donné que pour travailler comme psychiatre, il doit être membre du Collège des médecins, là, naturellement. Mais ce que j'observe, c'est par rapport à sa mort, c'est que lui, bon, il a demandé l'aide médicale à mourir. Et c'est une décision qui lui appartient. C'est sûr que si ça faisait 3 semaines qu'il était malade et que le pronostic, la perspective qu'il retrouve pleinement la santé suite à l'infection au rein était faible ou nulle ou que ça se dégradait, c'est sûr que je comprends que pour alléger ses souffrances, il en soit venu sur ce plan-là. Le Doc Mayhew, jusque dans les derniers jours qui ont précédé sa mort, il travaillait comme psychiatre. Il continuait également à faire de l'animation radio. Donc, c'est quelqu'un qui était très travaillant parce que il y a des gens qui auraient pu prendre leur retraite avant. Je veux dire, il est mort à 74 ans, puis il y a à peine quelques jours travaillé. Il aurait pu prendre une retraite, surtout qu'il était médecin. Il a gagné des bons salaires de survivant, donc il aurait pu peut-être prendre sa retraite à 60 ans, 65 ans, puis prendre ça plus relax pour le reste de sa vie. Mais non. Donc, le Doc Mayhew, ça a été quelqu'un de travaillant jusqu'à la fin de son existence ici sur le plan terrestre. Donc, c'était pas quelqu'un qui était croyant, qui était religieux. Il était très critique par rapport à la religion catholique. Sinon, pour ce qui est du Doc Mayhew, ce que je dois dire, c'est que je trouvais regrettable par rapport à lui le fait que, dans le fond, quand il était question de sujets à caractère occulte, la vie après la mort, les gens qui perçoivent des entités, des extraterrestres, c'était totalement fermé. Donc, j'aurais préféré s'il aurait donné la chance au coureur, dans le sens que il n'est pas obligé de croire. Mais il n'est pas obligé de partir de la prémisse que si quelqu'un partage une expérience, qu'il est nécessairement quelqu'un qui vit un état de délire psychotique qui hallucine. Donc, tu sais, parce que sans ça, je trouve que ça manque d'ajustement. Moi, si je discute avec quelqu'un, je ne vois pas nécessairement la prémisse que s'il me dit quelque chose à caractère occulte, que c'est nécessairement des hallucinations. Son cadre de référence perceptuelle associé à la psychanalyse était limité. Son propos allait dans le sens de dire que si quelqu'un dit qu'il perçoit des entités, des présences, des fantômes, c'est nécessairement pas réel. À un moment donné, il avait déjà dit à quelqu'un dans un enregistrement que la personne n'avait qu'à prendre de la médication puis avoir arrêté de percevoir les entités. Donc, certes, la perception d'entités, si la personne vit des hallucinations, lui partait du principe que c'était nécessairement des hallucinations, donc si la personne prend des antipsychotiques, elle va arrêter d'en percevoir. Mais je trouve que c'est une vision réductionniste et matérialiste de phénomènes à caractère occulte. Et que c'est pas parce que la personne dit qu'elle perçoit des entités qu'elle est nécessairement psychotique. Là. Je trouve que c'était très réducteur de sa part comme vision. Sinon, dans un autre ordre d'idée, il y a plusieurs années, j'avais été à un salon du livre. Et il était là à cause qu'il y avait le lancement d'un livre par rapport à lui. Et je l'avais remercié parce que j'avais dit, ben, je vous ai écouté pendant de nombreuses années et les propos que j'avais entendus de vous m'ont aidé à mon développement. Donc, je suis heureux d'avoir fait ça, sachant qu'aujourd'hui, il est mort. Je lui ai fait un commentaire d'appréciation au Doc Mayhew. Sinon, le Doc Mayhew, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à lui? C'est que, dans certains moments, bien qu'il ne croit pas à l'existence de l'esprit, du double, ajusteur de pensée, toutes ces choses-là, à un certain moment donné, il y avait des propos, puis il y avait une vibration dans sa parole qui ajustait des gens. Donc, il y avait quand même, dans certains cas, des phénomènes énergétiques, puis c'est un homme colérique aussi. Il avait la mèche courte en bon québécois, donc c'était quelqu'un qui pouvait être facilement irritable. Donc, il venait rapidement en colère auprès de certains auditeurs et auditrices et dans certains cas, les propos qui généraient dans cet état amenaient des ajustements au sein des auditeurs et auditrices. Dans le sens que il amenait des propos qui ajustaient à la vibration dans certains cas, mais c'était pas tout le temps. C'est ça la problématique. Il était pas tout le temps ajusté, le Doc Mayhew, dans ses propos, là. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit au fil du temps. Dans certains cas, quand j'observais des interactions qu'il y avait avec des auditeurs et auditrices, dans certains cas, oui, il y aura aussi le niveau là, par rapport à certaines personnes. Mais ça a été beaucoup là, de présenter des concepts psychologiques de base qui ont été sa fonction, tout en véhiculant parfois une vibration qui a permis de rehausser le niveau. Et j'ai beaucoup de gratitude là, par rapport à ça. Et là, je vais compléter cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.